Z. Pour l'écouter. 89.1. Bienvenue à En Piste avec Tania Baudin. Pour ceux qui sont pas trop au courant, parce qu'en temps normal, la plage horaire est un petit peu différente. Là, vous vous dites, OK, il est 13h, puis pourquoi est-ce que Tania rentre en onde immédiatement? Eh bien, c'est tout simple. C'est simplement parce que la semaine dernière, dû à certains problèmes techniques et tout ça, on n'a pas pu nécessairement faire l'émission. Alors, cette semaine, je me suis dit, pourquoi pas faire un programme double, c'est-à-dire un spécial de 2h. Et je dois vous avouer que tout dans le monde de la course automobile, quasiment au Canada, s'est passé en fin de semaine. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à parler. On a pas mal de jus pour remplir 2 heures ensemble, je vais vous avouer. Et je me suis dit, pourquoi pas tout simplement faire le tour vraiment de tout ce qui s'est passé durant la fin de semaine et encore même peut-être plus. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter le plan de nos 2 prochaines heures ensemble. Ça va être, entre autres, bien évidemment, un retour sur les événements du week-end parce que c'est quelque chose qu'on fait à chaque semaine. Donc, comme je vous disais, il s'est passé pas mal d'affaires ici au Canada en fin de semaine, que ce soit en NASCAR Pinty's, que ce soit en NASCAR Pickup, que ce soit en Nissan Micra, en Porsche GT3, que ce soit en karting. Vraiment, il y en avait pour tous les genres. Et ça a été une belle fin de semaine, peu importe où vous étiez à travers le Canada, je crois, et même un petit peu partout ailleurs. Il y a des grosses nouvelles aussi qui sont sorties un petit peu partout sur Internet, les médias sociaux et tout ça. Alors, bien évidemment, le tour du web va faire partie de l'émission. C'est pas quelque chose qui va changer aujourd'hui. Non, ça, je vous le dis. Bien évidemment, on va avoir des entrevues, mais comme on a un spécial de 2 heures, eh bien ça fait 2 fois plus de tout, disons-le, disons-le comme les choses le sont. Donc, on va doubler vraiment le programme normal d'une émission d'En Piste avec Tania Baudin et on va la doubler. Alors, 2 fois plus d'entrevues, entre autres, on va discuter avec certains gagnants du championnat canadien de karting qui s'est déroulé cette fin de semaine à Tremblant, entre autres Jean-François Lafontaine et Alessandro Bisotto. On va aussi discuter avec le plus jeune pilote NASCAR de la série Pinty's cette année, c'est-à-dire Kaden Lapsevich. Je sais que Kaden, présentement, est comme à l'école parce que c'est le plus jeune, il est âgé de 16 ans, mais on m'a donné une heure précise pour le rejoindre. Alors, je vais essayer de pas trop courir après le temps ou vraiment d'être à temps pour que vous ayez la meilleure entrevue avec Kaden. Vous allez voir, c'est un gars très, très, très gentil et c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de talent. Alors, j'ai bien hâte de discuter avec lui et on aura un habitué de l'émission. Je pense que ça fait quelques fois qu'on le reçoit au téléphone. On va discuter avec Olivier Bédard un petit peu plus tard en fin d'émission, savoir comment est-ce que ça se passe jusqu'à présent. Il y a déjà plusieurs manches qui se sont déroulés du côté de la Nissan Micra. Alors pour lui, comment est-ce que le championnat est vu? Et surtout, il est en tête du championnat présentement, donc ça, on va en reparler un petit peu plus tard, parce que c'est pas en Nissan Micra qui manque de pilotes, hein? Ça, on le sait très bien. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes en piste avec Tania Baudin et ça commence dès maintenant. Vous savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, la musique country. Dans chaque émission d'En Piste avec Tania Baudin, on va retrouver des artistes canadiens, des artistes internationaux dans le monde de la musique country. Et je me suis dit, on va pas nécessairement faire autrement aujourd'hui, c'est simplement qu'on va doubler le tout. Alors, si vous aimez le genre de musique qu'on fait jouer d'En Piste avec Tania Baudin, en fait, premièrement, j'espère que vous aimez ça. Si jamais vous avez des idées de chansons ou de nouvelles chansons à nous faire écouter, bien, gênez-vous pas, envoyez-moi ça sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, comme c'était un spécial de 2 heures, eh bien, on allait justement doubler. Et sans plus attendre, eh bien, on va aller écouter notre première pièce qui est d'un groupe qui s'appelle Old Dominion et la pièce s'appelle Snapback. Alors, on va se retrouver tout de suite après ça pour discuter de tout ce qui s'est déroulé durant le week-end dans le monde de la course automobile.

la saison du ECKC, c'est-à-dire le Eastern Canadian Karting Championship. Alors ça s'est terminé du côté de l'Ontario il y a quelques semaines, mais là, en fin de semaine, vraiment, ça se passait du côté de Mont-Tremblant et c'était le temps de couronner certains pilotes, que ce soit ontariens, que ce soit... Québécois ou que ce soit encore de l'ouest du Canada. Il y en a plusieurs qui étaient là. Et bien évidemment, plusieurs pilotes voulaient mettre la main sur de fameux tickets qui allaient nous permettre de se rendre au championnat mondial. Alors de ce côté-là, c'est quelque chose qui reste toujours en tête à certains pilotes. On s'entend que les plus jeunes pilotes, malheureusement micro et mini, bien souvent vont seulement aller représenter le Canada en tant que pilote à devenir en différentes catégories. Par contre, on commence vraiment du côté junior, senior, je parle aussi de DD2. Alors de ce côté-là, DD2 normal, DD2 Masters, c'est là vraiment où que les pilotes québécois, les pilotes ontariens, disons-le comme ça, les pilotes canadiens vraiment dans diverses catégories vont se battre pour pouvoir réussir à obtenir ce fameux ticket s'ils l'ont pas encore obtenu dans plusieurs autres catégories, dans plusieurs autres championnats. Alors de ce côté-là, ça ajoute une espèce de petit une petite effervescence durant la fin de semaine. On sent que les gens sont peut-être un petit peu plus tendus, peut-être un petit peu plus anxieux aussi, à savoir à ce que toute la fin de semaine se passe bien, parce qu'on sait, quand on arrive au championnat canadien, du côté que ce soit de l'Ontario ou que ce soit du côté ici québécois, c'est quand même un long week-end. Hein? C'est un week-end où que la plupart du temps, les équipes vont se mettre en place, vont arriver le mercredi. Par la suite, on va vraiment tester la piste le jeudi. Bien souvent, on va commencer les premiers essais. Par la suite, qualification. Donc, on n'y est pas vraiment avec ça. Un championnat canadien, comme n'importe quel style de championnat aussi dans le monde du karting, ça va y aller avec une grande... plusieurs journées, en fait. Et c'est peut-être une question qui est revenue à plusieurs reprises, que ce soit durant l'été, donc cette saison-ci, ou encore la saison dernière. C'est arrivé à plusieurs reprises où qu'on se demande les médias, plusieurs médias diverses, à savoir si c'était pas trop demandé à des jeunes, parce qu'en temps normal, le karting, c'est à la base de tout. Là, on le sait, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, c'est devenu une discipline par elle-même. Donc, il y a des pilotes de karting qui vont rester en karting, qui n'ont pas nécessairement le vouloir de sauter dans une autre type de discipline dans le monde du sport automobile. Mais c'est quelque chose qui est revenu, ça, de savoir si on ne demandait pas trop de jours, justement, à arriver. Parce que, bien évidemment, s'il y a des gens qui sont pas là pour... les qualifications au championnat mondial ou dans certains championnats, eh bien, ça amène peut-être un désavantage du fait qu'on peut pas nécessairement arriver le vendredi et participer à l'épreuve parce que justement, on n'était pas présent durant les qualifications. Alors, de ce côté-là, c'est un petit peu, c'est un petit peu la question qu'on se demande. Est-ce qu'on va continuer vraiment du côté élite pour ces fameux championnats-là? Est-ce que c'est ce qu'on catégoriserait de la classe élite ici au Canada? Donc, tout ce qui a trait au ICKC, tout ce qui a trait au championnat canadien. Est-ce qu'on pourrait, pour d'autres pilotes qui veulent tout simplement participer à un événement comme ça pour avoir de l'expérience, est-ce que c'est pas un désavantage peut-être d'être là pendant quasi 5 jours? Donc, de ce côté-là, c'est des grosses questions. Je pense que ça va donner l'opportunité à certains organisateurs durant la saison morte de pouvoir se poser ces questions-là, d'avoir certaines réunions aussi avec peut-être même des pilotes, justement pour se demander si c'est pas trop ou si la formule est bonne et si on aime ça. Alors, du côté de Mont-Tremblant, on a eu plusieurs rebondissements face au championnat puis aux gens qui sont repartis avec les titres de champion canadien. Je vous dirais que même du côté de junior, c'est Andrés Di Alba qui a remporté le premier titre junior cette année en 2016. Et on était quand même impressionnés pour plusieurs. Bien évidemment, lorsqu'on arrive à une compétition de cette envergure-là, on espère que tout va bien se passer. Pour certains, ça s'est mal passé, peut-être pas passé comme on l'espérait. Et ça, parfois, bien, ça donne l'avantage à d'autres pilotes qu'on pensait pas peut-être voir au devant. Mais je suis persuadée que Andrés Di Alba va bien aller nous représenter en Italie, parce que le championnat du monde Rotax va se dérouler en Italie. On va en parler un petit peu plus tard. Mais vous allez voir, ça aussi. aussi, c'est un très gros championnat qui amène beaucoup d'excitation du côté des Québécois, des Canadiens. Je pense qu'on doit être comme une centaine à écouter ça en même temps sur Internet parce qu'ils ont le webcast quand même bien installé du côté du championnat mondial. Donc, de ce côté-là, j'ai bien hâte de voir comment nos Canadiens vont pouvoir se débrouiller. Il y a aussi certaines autres catégories qui s'est peut-être pas passé comme on l'espérait. Entre autres, le pilote qu'on voit très, très souvent à l'avant dans la catégorie mini, qui est Thomas Neveu, a malheureusement pas terminé sur la première marche du podium, lui non plus. Bien évidemment, on savait déjà que Thomas avait un billet pour se rendre au championnat mondial à cause du CKC. Mais là, de ce côté-là, c'est vraiment... J'ai vu beaucoup de malchance, en fait, cette fin de semaine du côté de Mont-Tremblant pour certains pilotes qui espéraient justement remporter le titre de champion. Je pense entre autres aussi à Nathaël Quentin qui... Ça, c'est vraiment le coup de théâtre, je pense, de la fin de semaine ou la grosse surprise de la fin de semaine. On s'attendait pas à ce que, au moment où on a montré le panneau dernier tour dans la catégorie DD2, on s'attendait pas à ce que le meneur, qui était Nathaël Quentin à ce moment-là, pense tout simplement que la course était terminée. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, c'est très, très malheureux pour Nathaël, mais je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. On lui a laissé quand même beaucoup de temps pour se reposer après la course, pour laisser tomber la poussière, comme on dit. Mais j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le recroiser par après. Alors, je lui aurais demandé qu'est-ce qui s'était passé exactement. Mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Et les gens dans les estrades sont tous restés surpris au même niveau. On a montré le panneau dernier tour et malheureusement, Nathaël Quentin a laissé passer un autre de ses coéquipiers devant lui. Et comme ça, Alessandro Bizzotto est allé chercher le titre de champion canadien dans la catégorie des D2. On va lui demander à lui tout à l'heure comment est-ce que ça s'est passé de son point de vue, parce que bien évidemment, il était quand même à une distance assez respectable de Nathaël Quentin. Alors, il a dû quand même, lui aussi... pogner quelque chose, comme on dit en bon québécois. Alors, j'ai bien hâte de discuter avec lui. Du côté de Mosport, là aussi, il y avait beaucoup d'action cette fin de semaine. On s'entend, il y avait de la Porsche GT3. C'était la dernière compétition de la saison. Il y avait aussi de la Nissan Micra, NASCAR Pinties, NASCAR Pickup. Si vous êtes comme moi et que vous êtes amateur de course automobile, bien évidemment, vous êtes déjà pas mal tout au courant de ce qui s'est passé du côté de NASCAR parce que ça l'a fait le tour un petit peu assez rapidement, même des réseaux sociaux. Ça s'est battu en NASCAR Pickup après, après la course. Petit accrochage qui a peut-être été pas le plus clean, comme on dit aussi en bon québécois. Ça s'est pas fait peut-être de façon très, très propre entre les deux pilotes. On parle de Steve O'Donnell et John Hunter. Mais bon, par la suite, les deux gars ont tout simplement arrivé au coup. Ils en sont tout simplement arrivés au coup. Vous pouvez voir plusieurs vidéos aussi, bien évidemment, sur Facebook ou sur YouTube. Ça l'a fait le tour très, très, très, très, très rapidement. Et c'est comme ça que j'ai appris la nouvelle. J'ai beaucoup aimé un des commentaires que j'ai vu sur Internet, justement sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Je crois que c'est Steven Hubert qui avait laissé ce message-là sur la page Facebook, un fervent auditeur de l'émission. Merci beaucoup, Steven. Il disait que c'est justement pourquoi l'amateur d'open wheels en lui, c'est-à-dire de monoplace en lui, aimait pas nécessairement ce genre de conduite-là, parce que c'est assez difficile de penser que les officiels vont accepter ce genre de comportement-là. On le voit très bien dans le vidéo, les deux gars se rentrent complètement dedans à la ligne départ-arrivée. Et par la suite, on arrive vraiment, même les deux équipes se sont battues dans les puits. Alors, c'est quelque chose que, de toute évidence, on se pose la question, est-ce qu'ils vont être pénalisés? Jusqu'à quel point ils vont être pénalisés? Et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut accepter ça? Parce que si vous vous souvenez, on a eu plusieurs discussions du monde du hockey, si on fait la comparaison par rapport aux batailles sur la glace, que c'était pas nécessairement le bon exemple à donner. Parce que c'était télévisé, puis qu'il y avait plusieurs jeunes qui écoutaient ça. Mais je suis en train de me dire un petit peu la même chose que Steven Hubert. La course automobile, c'est quand même assez diffusé, beaucoup, et télévisé. On parle que ces images-là ont fait le tour de Fox, ont fait le tour de TSN, ESPN, RDS. Alors, ça l'a pas arrêté de faire le tour depuis le début de semaine, en fait. Et c'est un peu triste. On va devoir se poser la même question que pour le hockey, j'ai l'impression, parce que ça donne pas nécessairement le bon exemple aux autres. Kevin Lacroix a, quant à lui, pris une autre victoire cette saison du côté du circuit circuit de Canadian Tire Motorsport Park. Alors, Kevin, qui en est pas à sa première année, par contre, il en est à sa première année complète sur le circuit de la série NASCAR Pinty. Ça se passe super bien jusqu'à présent pour lui. J'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'il va faire du côté de Saint-Eustache cette fin de semaine, parce que c'est une piste qu'il connaît très, très bien. Il a été coursé à plusieurs moments sur cette piste-là et c'est très près de lui. Alors, c'est comme être à la maison pour lui. J'ai hâte de voir si le stress embarque un petit peu plus à ce moment-là. On se souvient qu'il a remporté aussi Trois-Rivières. Il était très près aussi de la victoire du côté de Toronto. Donc, de ce côté-là, j'ai comme l'impression que Kevin Lacroix commence à montrer justement de quoi il est capable, que ce soit sur les circuits ovales comme les circuits routiers, et ça va être quelque chose qu'on va devoir garder à l'œil. Du côté de la Porsche GT3, eh bien, c'est Daniel Murad qui a pris les devants sur le championnat. Je vous le disais, c'était la dernière course de la saison pour la Porsche GT3 canadienne. Donc, oui, Daniel Murad, qui, quant à lui, réussit à mettre la main sur le trophée du champion 2016. On le sait, il y a eu une chaude lutte toute l'année entre Daniel Murad et Scott Hargrove. Je pense que ça l'a pas été autrement fait cette fin de semaine, parce qu'il y a des vidéos qui se sont retrouvées sur Facebook, justement, encore avec de chaudes luttes entre les deux pilotes. Ce sont souvent les deux pilotes qu'on va retrouver à l'avant du peloton, donc en première et en deuxième position. C'est des gars qui se respectent quand même très, très, très, très bien à l'extérieur de la piste comme sur la piste. Mais bien évidemment, les deux gars sont là pour gagner. On parle d'un championnat, on parle de commandites aussi qui sont là, qui nous regardent, qui nous demandent de bien performer. Alors de ce côté-là, c'est Daniel Murad qui a mis la main sur le championnat 2016 de la Porsche GT3 canadienne. Et du côté de la Nissan Micra, eh bien là, c'était départagé parce qu'il y avait deux épreuves. Alors Xavier Coupal a encore une fois frappé très, très fort de son côté. On sait, le classement général de la Nissan Micra aussi est extrêmement serré. Présentement, c'est Olivier Bédard qui le mène, mais on sent très fort que Xavier Coupal n'est pas très, très loin derrière. Et la deuxième épreuve de la fin de semaine a été gagnée par Stephen Radzinski, qui vient de l'Alberta, si je me souviens bien. Stephen, qui avait bien performé aussi à leur dernière épreuve, qui était Trois-Rivières. Même chose pour Xavier Coupal, même chose pour Olivier Bédard, même chose pour Kevin King. Si je vous dis ça, c'est parce que ce sont des noms qui courent justement au titre du championnat et c'est pas terminé pour eux. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va s'entretenir probablement avec Olivier Bédard un petit peu plus tard dans l'émission. J'ai hâte de voir, parce que lui aussi n'a pas terminé l'école. Donc, on va rester à l'affût de tout ce qui se passe de ce côté-là, mais ça devrait pas être un problème. On devrait avoir de bonnes entrevues durant l'émission. Et je vous le disais tout à l'heure, on double absolument tout aujourd'hui parce que c'est un spécial de 2 heures. Alors pourquoi pas écouter une autre pièce musicale? On va aller écouter Kenny Chesney avec Pink, parce que Pink se donne un petit peu plus dans le monde du country ces temps-ci avec la pièce Setting the World on Fire. Et au retour, eh bien, on va discuter NASCAR Pinty's avec Kaden Lapsevich. Got drunk on La Cienega Boulevard, taking pictures of people we thought were stars. It's easy to give in to your heart when you're drunk on La Cienega Boulevard. When the song coming out of the speakers was the band that you had on your t-shirt, we were screaming 'cause all the streets were empty. And you kissed me and we were up all night and we were feeling so good. Yeah, we got a little higher than we probably should. We were in a hotel singing in the hallway lights. We were striking the matches right down to the ashes, setting the world on fire, setting the world. killed another deer. And you wrote I love you in lipstick on the mirror. We were laughing until we were breathless. Never found anything so reckless. We were all lit up and restless and coming. Toujours en piste avec Tania Baudin, spécial de 2 heures cette semaine, votre émission spécialisée dans le monde de la course automobile. Et tout à l'heure, on a discuté de ce qui s'était passé un petit peu partout au Canada cette fin de semaine. On a discuté de la série NASCAR Pinty's qui était du côté de Mosport. Ça s'est très bien passé là aussi. Il y a eu quand même plusieurs rebondissements de ce côté-là. Et un des pilotes avec qui on n'est pas nécessairement habitué de parler, c'est le jeune Kaden Lapcevich qui lui aussi fait très bien depuis le début de la saison. Il est présentement premier au championnat, donc c'est-à-dire au classement général. C'est quand même très, très près avec Andrew Rangé, Kevin Lacroix, LP Dumoulin, Alex Tagliani. Mais là, on parle d'un jeune de 16 ans et il est au téléphone avec moi. Kaden, how you doing today? Good, yourself? Very good, thanks. Kaden, I know you're at school right now, so we're going to try to do pretty quick so you don't miss anything pretty important. But I really want to talk to you about this season because it's going really well for you right now. And I really want to talk about this last race you had at CTMP. How did it go? It went really well, actually. Everything sort of fell into the right place. We were able to run up front all day and keep the car clean and... Ranger had a little bit of bad luck, which was, sort of good for us. We were able to extend our points lead. So, all in all, it was a good race. It was my first podium on a road course. So, to get that out of the way was definitely big. And to extend our points lead on a road course was definitely huge as well. Yeah, definitely, because you're not really used to road course. I mean, we're used to see you on ovals racing, oval track. How's the transition this year doing all the races, except like last year you were doing only ovals. So how is it going this year? It's pretty good. The transition from oval to road course racing is, it's quite different. Just how the cars react and stuff is a little bit different. So, I think I'm adapting to the road racing pretty good. That was only my fifth or sixth road course. So, I think I'm picking it up all right. There's still a lot to learn, like I said. But, I think going into next year, we're sitting in a good spot on the road course to have another good run at a championship. And tell me, what's the biggest difference to you driving on a oval than driving on a road course track? Just that, like, the whole being smooth with, you know, my downshifts and upshifts and, you know, turning right as well. So, you know, a lot of it, like, the turning motions and stuff are all sort of the same. It's just, you know, getting that motion for the shifting and stuff. Yeah, definitely. And I want to talk to you about family, because obviously your dad was racing before you in that series. Coming into this year, full season, did you get prepared differently with your dad because he's sort of in the team also? So how did it go for the preparation this year? Well, really, we weren't going to run any races. But, you know, we ran the first couple and everything went pretty smooth, I would say. So, you know, we decided we were going to go for this whole thing. And, yeah, you know, my dad's been a lot of my support. He's taught me about everything I know on a road course. And he's been a lot of help. My mom has always been there for me. They put a lot of time and effort into this program to, you know, to get it where it is today. And you know, I couldn't do it without them. Caden, doesn't make you feel anxious or a bit stressed that you're only 16 but driving with drivers like Andrew Ranger, Alex Taglani, DJ Kennington, who are drivers who have already seen a lot of races before? Not really. I've sort of always grew up racing with guys that were older than me. Mm-hmm. Through my days in quarter midgets where, you know, I was 8 running with, you know, kids that were 16 or 17, and then when I moved up to the Super Stock at Sunset and was racing for a championship there, I was racing for guys that have done it for a long time. So, you know, there's no real pressure. You know, I'm just going to go out there and do my best. And, you know, whatever happens, happens. You know, I didn't expect to run a full season this year to be contending for a championship. So, you know, it's been a dream come true every year. And, you know, I'm just looking forward to what we have ahead of us. Yeah, definitely. Dream come true. And right now, you're leading the championship. 16 years old. There are still 2 races left. What's the game plan for the rest of the season? Well, we sort of discussed it. And, you know, I think I'm just going to go out there. And, you know, I'm not going to putt around, but, you know, I'm just going to run 2 really conservative races, not put myself in a bad position to where I could, you know, end up with a DNF or wreck the car and not be good for the rest of the race. So, now I'm going to go out there and just do what I've done all season, not put myself in a bad position, and just make every move really wisely and, you know, hopefully come out with 2 solid runs. And the two races that are left are ovals racing, ovals track. You know pretty much everything about it right now because you've been racing ovals for a long time. So how are you feeling for this weekend, because it's Saint Eustache, so the next race is really, really close right now? I think, like, I'm really confident with our oval program. I'm really happy with our oval program and where it's at. It's just, I think we know what we need to do when we go to this track, as my dad's ran there a few times in the past. So, mm-hmm. So I'm not too worried about going there with a car that's set up poorly or something, because I think we have good notes to go there. It's just going to take me a few laps to learn the track. But you know, every oval sort of has the same characteristics, just, you know, with your line and how you drive them. So, you know, it's going to take me a little bit to get used to the track, and then, you know, I'll work from there. I think we should be pretty good, though. Great. Well, Caden, I'm going to let you go back to class or something you're doing at school right now, and we're going to hope that the dream keeps going for you for the rest of the season. We'll see you this weekend at St. Eustache. Thank you so much again for this time on the radio show. Oh, no problem. Thank you for having me. Thank you. Alors, Caden Lapcevich, qui est un des pilotes, je dois le dire, je l'ai déjà dit, le plus jeune de la série cette année, mais il est aussi un des plus humbles, je pense, pilotes que j'ai eu la chance de côtoyer durant la saison, durant les dernières années aussi. Il pourrait très bien prendre les choses plus grosses qu'elles ne sont, ou encore, comme il disait, vivre le rêve peut-être un petit peu trop grand. Mais non, Caden Lapcevich, c'est vraiment un gars qui va garder la tête sur les épaules, et c'est ce que j'aime de ce pilote-là. Et c'est entre autres le fils de Jeff Lapcevich. Alors, c'est un petit peu ce que je lui ai posé comme question. La famille n'est pas très loin derrière. Cette année, on s'est amené au championnat comme première saison complète à la barre du NASCAR Pinty's, parce que l'année dernière, on faisait simplement les circuits qui étaient ovales. Cette année, on a décidé de les faire au complet. Alors, c'est quelque chose qu'il apprécie, que son père reste près de lui, que sa mère aussi le supporte autant qu'elle le fait. C'est quelque chose qui est... qui est différent peut-être de certaines équipes qui sont peut-être un petit peu plus professionnelles. On sent vraiment cette espèce de d'aspect familial là autour de l'équipe des Lapsevitch, et c'est quelque chose que qu'on voit aussi parce qu'il réussit quand même à monter sur des podiums. Et je lui ai demandé comment est-ce qu'il se sentait par rapport à la différence ovale et circuit routier, parce que c'est quelque chose de nouveau pour lui. Il voit pas nécessairement une grande différence, simplement le fait que bien évidemment les voitures sont à la base pas montés de la même façon, on s'entend. Une ovale, ça va être un circuit ovale va toujours tourner à gauche, donc la voiture va être montée différemment. Mais pour ce qui est de la conduite, il se sent à l'aise dans les deux. La saison va super bien jusqu'à présent et il espère en fait que le rêve va se continuer jusqu'à la fin de la saison. Les deux dernières courses, les deux dernières manches restantes de la saison de la série NASCAR Pinty's sont des circuits ovales. Alors de ce côté-là, j'ai vraiment l'impression que on pourrait rester surpris du championnat cette année. Kaden Lapsevitch qui mène le championnat avec 415 points. Andrew Ranger est deuxième présentement avec 385 points. Et Kevin Lacroix se retrouve au troisième rang avec 377 points. Les trois meneurs présentement vont faire les autres épreuves restantes. Donc, de ce côté-là, ça va rester serré. Ça va rester un spectacle aussi qui va être quand même de bonne envergure. J'ai bien, bien hâte de voir ça. Simplement, cette fin de semaine du côté de Saint-Eustache, ça devrait être très intéressant parce qu'on a plusieurs pilotes québécois qui ont déjà coursé là-bas, mais aussi des pilotes ontariens qui sont quand même assez familiarisés maintenant avec ce circuit-là, puisque l'année dernière et depuis bon nombre d'années maintenant, on y court. Alors, j'ai hâte de voir et j'ai le goût de dire que je vais peut-être me mettre des amateurs québécois à dos, mais j'ai vraiment l'impression que Kaden Lapsevitch va finir avec une belle remontée cette année et avec une belle performance aussi dans les deux dernières. Si c'est pas de remporter le championnat, j'ai l'impression qu'on va voir pareil Kaden Lapsevitch sur les deux podiums restants. J'espère que je lui mets pas trop de pression présentement. Mais c'est quelque chose que je lui souhaite parce que c'est un pilote qui le mériterait. Alors, de ce côté-là, c'est on espère que ça va bien se passer parce que un jeune pilote qui réussit à faire de son rêve quelque chose de réalité comme ça à sa première année complète dans une série, ça arrive pas nécessairement souvent. Alors, la meilleure des chances à notre jeune Canadien, Kaden Lapsevitch. Je voulais discuter avec vous aussi un petit peu rapidement. Avant de faire une autre entrevue et d'aller en pause musicale, je voulais parler avec vous d'une nouvelle qui est quand même sortie récemment, c'est-à-dire avant-hier. La Formule 1, c'est-à-dire tout ce qui englobe la Formule 1, aurait été vendue à Liberty Media. Alors, je vais vous lire un extrait du site web lesaffaires.com et on parle de la vente de Formule 1 qui a été bouclée en fait mardi, et c'est ce qui a assuré le magazine spécialisé allemand Automotor Unlimited Sport, selon qui l'acheteur est le groupe américain Liberty Media. Donc, pour ceux qui étaient à l'affût de l'information hier, ça a été confirmé, ça serait Liberty Media, et il aurait acheté tout ça pour un montant de 8,5 milliards de dollars américains. Le magazine allemand affirme que le grand argentier de la Formule 1, l'anglais Bernie Ecclestone, bien évidemment le personnage, a confirmé l'accord en marge du Grand Prix d'Italie à Monza ce week-end, alors que le dossier était quand même ouvert depuis plusieurs mois. C'est quelque chose qu'on discute quand même depuis bon nombre d'années maintenant. Je pense que c'est en nombre d'années, même plus qu'en nombre de mois, qu'on se pose la question. Et il a été interrogé par plusieurs journalistes avant le départ de la course dimanche. Mais par contre, Ecclestone n'a pas voulu faire de commentaires. Selon le magazine allemand Automotor Unlimited Sport, le groupe américain Liberty Media, qui est coté en bourse à New York, a effectué mardi le premier des deux versements du montant total, qui est justement estimé à 8,5 millions de dollars, à l'actionnaire majoritaire. Et ce dernier détient quand même 35,5% de Delta Topco. Donc, c'est un holding financière qui encaisse les revenus commerciaux et la discipline reine des sports mécaniques. Les revenus sont, eux, générés et gérés par la Formula One Management, donc le FOM, et la société dirigée par Bernie Ecclestone. Celle-ci détient 5% des droits commerciaux de la Formule 1 à titre personnel. Si la vente se confirme, là, parce qu'on s'entend que même hier, ça semblait être simplement des rumeurs. On n'a pas nécessairement de communiqué de presse qui est sorti de façon d'envergure pour nous annoncer que la Formule 1 était vraiment vendue. Mais si la vente... c'est bel et bien confirmé. On ne sait pas ce qui va advenir de Bernie Ecclestone, 85 ans, qui est vraiment un personnage incontournable de la Formule 1, dont il a fait quand même une grosse business planétaire. Et lui-même dit qu'il va faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire que c'est lui qui va décider du rôle qu'il va jouer. C'est quelque chose qu'il a déclaré ce week-end à Monza aux journalistes du magazine allemand. Et ça, c'est quelque chose qu'on attendait, hein? C'est Bernie Ecclestone. Je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit, qu'ils vendent la chose. Je pense pas non plus que le personnage va disparaître de la sphère du monde de la Formule 1. Je pense que c'est un bonhomme qui est ici pour rester quand même pendant un bon moment. Mais ça amène quand même des belles questions, un beau questionnement à savoir qu'est-ce qui va se passer avec la Formule 1. Déjà aujourd'hui, on pouvait voir certains changements du côté des pneus. C'est sûr que ça rentre pas nécessairement de ce côté-là. Mais la Formule 1, c'est un des sports les plus médiatisés au monde. Donc, grâce à une vingtaine de grands prix étalés entre mars et novembre sur toute la planète, ça amène des retombées économiques assez grandes, merci. Mais depuis 2014, le sport vit une crise quand même sans précédent en raison d'un manque d'intérêt peut-être sportif flagrant et d'une audience globale qui est en baisse. Alors on se pose des questions à savoir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. C'est-tu parce que le spectacle n'est plus nécessairement bon? Est-ce que c'est parce que Bernie Ecclestone prend trop de place? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors, le dossier de la vente est comme un serpent de mer. En juin 2015, des médias affirmaient que le propriétaire des Miami Dolphins, une équipe de la Ligue nationale de football américaine, donc la NFL, et le Qatar, qui est via un fonds d'investissement, envisageait de racheter les 35,5% détenus par CVC Capital, et ce rachat ne s'est même pas fait. Alors, est-ce que Liberty Global et Liberty Media, c'est un autre gros groupe américain? On parle ici, j'ai fait quelques recherches, là, on parle d'une entreprise américaine qui fait partie de l'indice Nasdaq 100. C'est-à-dire que c'est un groupe de News Corporation, des médias, c'est vraiment une corporation médiatique et médiatisée. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner par rapport à ça, si on l'envoie du côté justement parce que c'est européen, mais là si c'est un groupe américain qui achète ça, il devrait y avoir aussi des changements face à tout ça, veux pas. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec cette fameuse vente du monde de la Formule 1 et qu'est-ce que Bernie Ecclestone va devenir ou va nous dire par rapport à ça. J'ai hâte de voir. On fait une courte pause, on va aller écouter un chanteur que j'aime bien entendre. Ça fait quelques pièces nouvelles qui sortent sur Internet. Je vous le dis, si vous voulez découvrir des nouvelles chansons de certains chanteurs country ou encore des bands country, allez faire un tour sur Spotify. Vous avez plusieurs listes qui sont là et qui sont vraiment, je pense, le meilleur endroit pour découvrir de nouveaux chanteurs, que ce soit canadiens ou américains. Mais pour l'instant, on va aller écouter Dierks Bentley avec la pièce Riser et on se retrouve tout de suite après. Et ça devrait commencer. Et voilà! Lay your pretty head down on my shoulder. You don't have to worry anymore. This old world is cold and getting colder, and I know how to lock and bolt the door. I'm strong enough to hold you through the winter, mean enough to stare your demons down. The hard times put the shine into the diamond. That keep us in the ground. I'm a riser. I'm a get up off the ground. Don't run and hide her. Pushing comes to shoving. Hey, I'm a fighter. When darkness comes to fake it. I'll pray till Jesus rolls away the stone. Pushing comes to shoving, hey, I'm a fighter. When darkness comes to town, I'm a lighter. I get out alive of the fire. Down low so I can lift you higher. An army couldn't keep down my desire. Yeah, I'm a riser. I'm a get up off the ground. Don't run it higher. Hey, pushing comes to shoving, baby, I'm a fighter. When darkness comes to town, I'm a lighter. Get out. Riser Dierks Bentley, un chanteur country que j'adore. Et comme je vous le disais, ben, si vous allez faire un peu le tour de ses réseaux sociaux, vous devriez tomber sur plusieurs de ses nouvelles chansons. Il devrait sortir un album d'ici pas très très longtemps. Alors restez à l'affût de tout ça, que ce soit sur Spotify, Facebook, Twitter. Il est vraiment un peu partout. Il est même sur Instagram. C'est malade, suivez-le. Il est quand même beau en plus, fait que ça aide à tout ça. Tout à l'heure, on discutait que c'était le championnat canadien de karting en fin de semaine du côté de Mont-Tremblant. Un événement qui est tout le temps très, très gros, qui amène plusieurs pilotes. Et cette année, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a ramené sur la scène québécoise une catégorie qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, qui était Shifter. Et j'ai au téléphone avec moi Jean-François Lafontaine, qui est un de mes bons amis. JF, ça va bien? Oui, ça va bien, Tania, toi? Oui, merci. Jean-François, cette fin de semaine, t'as pris place au championnat canadien de karting dans la catégorie Shifter. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, ta fin de semaine? La fin de semaine, je pense que je suis pas à plaindre. Toute la fin de semaine, j'ai dominé la catégorie. J'ai qualifié premier. Il y avait une super pole. J'ai été premier aussi dans cet événement-là. Après ça, il y avait les manches qualificatives, premier dans toutes les manches, puis pour la grande finale aussi, qui est la plus importante, aussi j'ai terminé en première position. Dis-moi, la catégorie Shifter, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis quand même un bon nombre d'années sur la scène québécoise dans le monde du karting. C'est revenu cette année. Il y a plusieurs pilotes qui se sont joints à tout ça. Comment toi, t'as vu ça quand on a annoncé le tout? Est-ce que t'étais... évidemment, t'étais content parce que t'allais courser, mais comment est-ce que t'as vu ça, toi, cette année pour le retour du Shifter? Ben, en fait, ça m'a pas surpris parce que c'est un peu à cause des pilotes que ça revient. Hein. C'est comme n'importe quoi. Je pense que si la classe revient, c'est parce qu'il y a une certaine demande du côté des pilotes. Il y avait le Rotax, les catégories Rotax qui avaient pris la place des catégories de la catégorie Shifter au cours des dernières années. Mm-hmm. Ben là, la catégorie Rotax, ça va plus ou moins bien pour diverses raisons qu'on n'embarquera pas dedans. Mais puis là, cette année, ben la catégorie Shifter est revenue en force. C'est sûr qu'en force, j'ai en force. C'est sûr qu'on n'était pas énormément de pilotes pour cette première année là, qui est vraiment revenue. Par contre, je pense que pour les années qui suivent, là, c'est sûr que ça, c'est prometteur parce que les gens voient ça. Puis, c'est pour n'importe qui aime la classe. Je veux dire, tu regardes ça sur le côté de la piste, puis t'as le poil du bras qui devient bien dur, c'est ça. Puis, c'est quelque chose dans lequel aussi tu avais coursé un petit peu internationalement. C'est un petit peu plus tôt l'année dernière. T'es allé à Las Vegas. C'est un petit peu le même genre de kart dont ils coursent là-bas aux États-Unis, c'est bien ça? Oui, exactement. C'est les mêmes types de machines, c'est les mêmes types de moteurs. Puis là, il reste juste à avoir autant de pilotes qu'à Las Vegas. Puis et d'amener encore le niveau de compétition. Parce que plus qu'on est de pilotes, c'est ça qui fait le show, hein, c'est ça qui amène les gens. Hein. Plus qu'on va être de pilotes, plus qu'ils vont venir. Puis c'est un cercle vicieux. Tout à fait. Puis je voulais te demander aussi, parce que depuis bon nombre d'années, on avait vu Jean-François Lafontaine en Briggs Senior, et c'est une catégorie dans laquelle tu performes très, très bien depuis bon nombre d'années. Mais cette année, t'as vraiment, tu t'es concentré sur le shifter. Dis-moi pourquoi? C'est sûr que j'aurais aimé ça faire les deux catégories. J'y ai pensé, je vais t'avouer. Par contre, faire deux catégories, ça nécessite énormément de travail. Ça nécessite aussi que s'il y a une des catégories qui va plus ou moins bien, considérant que moi, je fais toute ma mécanique seule avec mon père, on fait ça les deux ensemble depuis que je suis tout jeune, c'est sûr que pour moi, s'il y a une catégorie qui va plus ou moins bien, il faut que je travaille plus fort dans une que dans l'autre. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ça fait des semaines là assez chargées. Déjà qu'il y a une catégorie comme la catégorie shifter, là, c'est excessivement physique. Pour le côté moral aussi, je veux dire, une course, ça se gagne sur la piste, mais aussi ça se gagne entre les deux oreilles. Fait que c'est uniquement pour cette raison-là. Et du côté compétition, par exemple, les deux catégories apportent son lot vraiment avec les pilotes. En fin de semaine, on a pu te voir te battre avec Dominique Legrand, qui est aussi un pilote dans la catégorie shifter. On te voit aussi te battre en Briggs. Qu'est-ce qui t'amène ce thrill différent-là, toi, en shifter qu'en Briggs? Ouais, le thrill, je te dirais, c'est le thrill de la course en général. Moi, que ce soit n'importe quoi, que ça aille un moteur puis que ça l'avance en ligne droite, je veux dire, c'est sûr que ça va me plaire. C'est deux catégories complètement différentes. La stratégie de course est vraiment différente, mais les deux, ça rapporte une adrénaline là indescriptible. Et puis en fin de semaine aussi, on t'a vu avec des nouvelles couleurs parce que t'es habitué quand même d'être dans un kart Birel pour ce qui est de la catégorie Briggs. Mais là, en fin de semaine, on t'a vu dans une toute autre machine, tout autre habillement. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, je me cherchais un kart shifter pour le championnat canadien. Mm-hmm. Tout simplement. Puis, ça s'est avéré que l'équipe VSR, qui est située en Ontario, m'a lâché un coup de fil, puis ils m'ont carrément demandé, pour eux, hein, ils m'ont demandé carrément, prendre ma machine, on te la prête, puis j'avais tout fourni pendant toute la fin de semaine. Je faisais mes choses par moi-même quand même, parce que pour moi, c'est important, puis c'est le même que j'aime performer. Mais ils m'ont appelé, ils m'ont demandé, puis en même temps, pour eux, ça donne la visibilité à leur carte, fait que c'est sûr que là, comme ils viennent de me dire, justement, je leur ai parlé ce matin, puis ils me disaient que... ils ont eu plusieurs appels par rapport au championnat canadien, puis qu'il y avait des ventes qui allaient se faire prochainement à cause de ça. Bien, sérieusement, félicitations parce que tu as été sacré champion canadien dans la catégorie shifter. Alors, encore une fois, c'est pas ton premier championnat, mais félicitations. Attends, c'est pas le dernier. Non, exactement. Puis, je voulais justement parler de cet aspect familial-là avec toi, qui est de ton équipe aussi. Tu le disais toi-même, tu travailles quand même très, très près avec ton père. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour toi, ça? Pour moi, c'est important de travailler avec mon père, de passer, c'est des moments en famille. Je veux dire, ma soeur est venue avec son copain, avec sa petite famille, sa petite fille, son petit garçon. Ma mère est toujours là. Ma mère qui est ma fan numéro un. Oui. Tu sais, c'est sûr que ça garde la famille très rapprochée, puis ça fait des super de beaux moments en famille. Fait que, au-dessus de la course, je pense que ça dépasse toute espérance. Et je voulais te demander aussi, parce qu'au championnat canadien, on voyait dans les catégories Rotax des pilotes repartir avec des passes pour le championnat mondial Rotax. Est-ce que c'est quelque chose que le championnat Rock fait aussi maintenant que tu as été sacré champion canadien? Est-ce que tu vas t'envoler pour l'Italie? Oui, exactement. Je vais m'envoler pour l'Italie du 19. La course est du 19 au 22 octobre à Lonato en Italie. Je ne l'ai pas gagné à cause du championnat canadien. Je l'ai gagné parce que je suis en train de gagner un autre championnat, celui de la Coupe de Montréal. Okay. Par l'entremise de ça, je vais gagner mon billet pour aller en Italie. Puis c'est ça. Ça va être une super de belle expérience. C'est comme Las Vegas il y a deux ans. Aller en Italie, se comparer au meilleur. Moi, c'est juste ça que je recherche. C'est pas me comparer au moins bon, là, c'est vraiment de me comparer au meilleur puis voir qu'est-ce que je suis capable de donner. Mais justement, quand on a cette opportunité-là de s'envoler pour un autre pays, pour une compétition qui va comporter beaucoup plus de pilotes qu'ici au Québec, est-ce qu'il y a une espèce de petit stress qui embarque par rapport à ça? Bon, je pense que, tu sais, peu importe les courses qu'on va faire, il y a toujours un petit stress, là. Moi, c'est sûr que quand je vais à une course, c'est pas pour finir dernier, hein, c'est pour gagner. Mm-hmm. Donc, il y a toujours ce stress-là, mais ça reste un bon stress. C'est comme si on demandait aux gens qui vont aux athlètes qui vont aux Olympiques s'ils sont stressés. Ben c'est sûr qu'ils vont être stressés parce que ça fait des années qu'ils travaillent pour en arriver là. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est remporter l'or. Ah, t'as tout à fait. En terminant, est-ce que VSR sera avec toi en Italie aussi ou c'était vraiment simplement pour le championnat canadien? Non, pour l'Italie, on s'en est pas encore parlé, je te dirais. OK. Peut-être que finalement je vais y aller avec eux, peut-être qu'ils vont m'accompagner, je ne sais pas. C'est pas encore décidé avec qui j'y vais. J'aimerais bien que mon père, encore une fois, vienne avec moi. On va essayer de le convaincre, mais pour le reste, il n'y a rien de ça encore. Le papa qui est un des meilleurs mécanos au Québec, hein, on l'a vu sur le podium lui aussi en fin de semaine. Le meilleur mécano au Canada. Exactement. Jean-François, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir été avec nous dans l'émission. C'est toujours très apprécié. Merci Tania, c'est gentil. Alors, Jean-François Lafontaine, qui, je le disais justement, est un pilote qu'on doit garder à l'œil. J'ai l'impression que si ce gars-là décidait même de sauter dans une formule, parce qu'il course avec la formule de son école, s'il décidait de faire un autre type de catégorie, il va toujours être en avant dans le peloton. Peut-être que j'ai un petit peu de bon vouloir, parce que c'est un de mes très bons amis, mais Jean-François, comme n'importe quel autre pilote en shifter, je pense que c'est un spectacle qui vaut la peine d'être vu, il le disait lui-même, ça fait lever le poil sur les bras. Et si jamais vous avez jamais vu ça, lancez-vous sur Internet, cherchez des vidéos ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. Et les gars qui coursent là-dedans bien souvent sont très, très, très expérimentés. Je pense entre autres, comme je le dis, à Jean-François Lafontaine, Dominique Legrand. On a des nouveaux aussi, Samuel Guérin, qui est un des nouveaux pilotes en shifter cette année parce que la catégorie est revenue justement. Mais c'est un pilote qu'on voyait au Florida Winter Tour. Si je me souviens bien, il avait participé aussi à Las Vegas l'année dernière pour le SCUSA, pour la dernière du SCUSA. Alors j'espère grandement aussi, comme le disait Jean-François, que cette catégorie-là va continuer à gagner en popularité et en pilote aussi, parce que c'est quelque chose qui est tout le temps le fun d'avoir un bon nombre de pilotes dans une catégorie, peu importe la discipline. Je pense que n'importe qui aime la course automobile aime pas nécessairement voir simplement 4 pilotes en piste ou 5 pilotes en piste. Donc le plus grand nombre de pilotes il y a, mieux c'est. Et au retour, on va discuter justement du championnat canadien qui va peut-être retourner quelque part en 2017. On va tout de suite après. She said there's no sense of working if it's just staying hot. So dip your toes in the water, baby, this is a spot. Well, it feels good, good, good. Yes, it feels right, right, right. Oh, it feels good, good, good. So we gonna lay back and let it ride. Here we go. Check out a lot. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous êtes dans le spécial 2 heures en piste avec Tania Baudin. On a fait le tour de ce qui s'est passé durant la fin de semaine, c'est-à-dire NASCAR Pinty's du côté de Mont-Tremblant, du côté de ce... Voyons, du côté de Mosport, oui. On a fait aussi jaser un petit peu certains pilotes, c'est-à-dire Kaden Lapsevich, le plus jeune pilote en piste dans la série NASCAR Pinty's. On vient de terminer de discuter avec Jean-François Lafontaine, qui est le champion canadien 2016 dans la catégorie Shifters. On vient aussi tout juste d'entendre la chanson It Feels Good de Drake White. Non, non, ce n'est pas le même Drake que le Drake canadien qui rappe. C'est un Drake country, OK? Drake White avec la pièce It Feels Good. Puis sérieusement, It Feels Good, 2 heures de course automobile, je pense que si on pouvait faire ça à toutes les semaines et si ma voix le permettait, je pense qu'on le ferait. Pour ceux qui n'êtes pas nécessairement au courant, c'est déjà recommencé en piste, pas en piste, pardon, mais assemblage requis tous les matins de 6h30 à 9h30. Mathieu Plante et moi animons tous les matins. Alors, depuis hier, ça nous fait au total un bon 12 heures de radio chacun, donc nos cordes vocales. C'est ce soir qu'on sait si ça va fonctionner pour demain matin. Parce que hier, les deux, on avait deux bons gros shows. Donc hier, on avait 6 heures. Et chacun de nous, aujourd'hui, a 5 heures de radio. Parce qu'un petit peu plus tard, à 15 heures, Mathieu Plante, avec le Mathieu Plante Show, va s'amener aussi. Donc, vous allez voir, ça fait des bonnes journées. Demain matin, eh bien, on va se retrouver encore une fois sur les ondes de C'est fou 89.1 FM pour assemblage requis. Tout à l'heure, je vous discutais du prochain championnat canadien. Du côté du monde du karting, j'ai dit que ça allait peut-être retourner quelque part. Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, si vous allez sur le site Internet, qui est, je pense, la référence en termes de tout ce qui se passe dans le monde du karting canadien, je parle bien évidemment du site canadiankartingnews.com. Si vous parlez anglais, parce que la version française, la version québécoise ou peu importe, est pas encore sortie. Je sais qu'ils travaillent là-dessus, mais elle est pas encore sortie. Alors, si vous lisez... si vous êtes du type à pouvoir lire l'anglais, il n'y a aucun problème, allez faire un tour. C'est vraiment là que vous allez pouvoir avoir les meilleures nouvelles du monde du karting canadien. Et on a annoncé cette fin de semaine, pendant les célébrations des podiums du côté de Mont-Tremblant, que le prochain championnat canadien ASN FIA, donc le 2017, allait retourner dans la province de l'Ontario et plus précisément sur le circuit de Mosport Kartways, qu'on appelait bien évidemment dans le temps Mosport, pour certains. En fait, la piste a été refaite il y a déjà quelques temps de ça. Je pense que c'est vers la fin 2014. Le championnat canadien 2015 s'est déroulé là-bas. On a de nouvelles... infrastructures, voilà, c'est comme ça qu'on dit ça. De nouvelles infrastructures du côté de Mosport Kartways. Et ça l'a amené une touche tellement wow au circuit. Si vous avez eu la chance d'y aller depuis 2014, en fait, vous allez vraiment voir la grosse différence. C'est une piste de karting et un complexe, appelons ça vraiment un complexe de karting maintenant qui pourrait quasiment amener un championnat, je veux pas dire un championnat mondial parce que là, c'est gros, puis je suis pas certaine que du côté des enclos, ça pourrait se faire. Mais par contre, la piste est super belle. On a tout repavé la piste. Les infrastructures qu'on a monté. On a monté une vraie tour de contrôle, un petit peu semblablement aux infrastructures qu'on a fait sur la grosse piste tout juste à côté, qui est bien évidemment Canadian Tire Motorsport Park. Donc, si vous comprenez un petit peu c'est où, c'est basé à Bowmanville. Et c'est vraiment la piste qu'on appelait dans le temps Mosport, mais qui est maintenant rendue sponsorisée, commanditée, voilà, par Canadian Tire. Alors, de ce côté-là, c'est du côté de l'Ontario qu'on va retourner en 2017. Sachez par contre que les dates n'ont pas encore été confirmées. On ne sait pas si ça va être un week-end normal de 3 jours, comme on l'avait fait en 2015, ou si ça va rester la fête du travail, comme cette année, ça a été le cas du côté de Mont-Tremblant. Je sais que plusieurs ont apprécié ça, parce qu'on avait le lundi pour retourner à la maison. Donc, de ce côté-là, ça, je pense que ça a fait fureur là, cette année. Ouh! Mais reste à voir quand même les dates qui vont sortir d'ici quelques temps. Mais comme je le disais, restez à l'information sur le site Canadian Karting News, parce que c'est vraiment là que vous allez pouvoir voir ce qui se passe par rapport au championnat canadien 2017. Voilà. Si on y va encore dans le monde du karting, parce que je me suis dit pourquoi pas, de toute façon, mon prochain invité va être un autre pilote de karting. Alors, on parle en fait sur le site, encore une fois, canadiankartingnews.com, de l'équipe PSL Karting. Et PSL Karting, qui est une équipe, on peut quasiment dire trifluvienne. Ils sont basés à Pointe-du-Lac, là. On peut-tu se les approprier, s'il vous plaît? Ils sont très fluviens, OK? Non, mais les grands dirigeants de l'entreprise, ceux qui y travaillent, ceux qu'on connaît depuis bon nombre d'années, sont très fluviens, OK? Donc, PSL Karting, l'équipe vraiment d'excellence cette année au championnat canadien. Ils ont remporté les 2 coupes titres équipe. Donc, j'explique qu'est-ce que c'est exactement. C'est bien évidemment avec le pointage de la fin de semaine. Chaque équipe, chaque bonne équipe, chaque grosse équipe, donc exemple Ben Cooper Racing, Maranello, VSR, vraiment toutes ces équipes-là qui ont plusieurs pilotes sous leur tente, eh bien, on fait comme une espèce de coupe d'équipe, à savoir un petit peu comme les manufacturiers en Formule 1 pour ce qui est des moteurs puis tout ça, et on leur décerne en fait une coupe, un trophée d'équipe à la fin du week-end. Donc, bien évidemment, PSL Karting a bien fonctionné avec Birrell Hart, parce que c'est encore une fois eux qui ont gagné les 2 trophées. Je vous explique pourquoi 2 trophées. C'est pas très, très compliqué. C'est parce qu'il y avait les catégories Rotax, mais il y avait aussi les catégories Briggs. Et ça, c'est vraiment 2 catégories différentes pour ceux qui sont pas nécessairement au courant. Rotax, c'est peut-être un petit peu plus dispendieux, peut-être un petit peu plus performant, compétitif. Je dis pas que la catégorie Briggs est pas compétitive, loin de là. Mais du côté performance du moteur, c'est sûr que c'est différent. Et du côté Briggs, eh bien, on a toujours beaucoup de pilotes, mais c'est complètement différent, tout simplement. C'est 2 sortes de moteurs différents. 2 sortes de machines différentes. Et PSL s'est vu remettre les 2 trophées durant la fin de semaine grâce au bon nombre de pilotes qu'il y avait. J'essaie de voir sur la photo, là, on doit déjà avoir comme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y avait déjà 13 pilotes sur la photo, donc qui ont super bien performé, qui ont réussi à gagner des points pour leur équipe. Alors ça, c'est génial. Puis ça amène aussi cette espèce de côté familial-là en dessous de la tente quand on fait partie d'une équipe comme celle de PSL ou encore Maranello. Du côté du championnat canadien, il s'est quand même passé plusieurs choses, comme je vous le disais. Du côté de Rotax Junior, Mathieu Latifi, qui est un pilote qu'on voit bien souvent à l'avant, a malheureusement peut-être pas nécessairement performé au meilleur de sa forme comme on est habitué de le voir, mais c'est des choses qui arrivent. J'ai hâte de voir l'année prochaine si justement le nombre de pilotes dans la catégorie Shifters va augmenter, parce qu'on en a discuté avant la pause avec Jean-François Lafontaine, qui est le champion canadien 2016, et je suis vraiment contente de voir que la catégorie est revenue grâce aux pilotes qui s'ennuyaient justement de cette catégorie-là. J'ai hâte de voir maintenant si les pilotes qui sont par exemple en DD2 ou dans certaines catégories Rotax vont faire le saut dans la catégorie Shifters. Du côté des États-Unis, on a vraiment plusieurs types de catégories Shifters. Ça peut commencer très, très jeune. Même chose que le Rotax, c'est vraiment juste les types de moteurs qui changent. Alors, de ce côté-là, j'ai hâte de voir si l'année prochaine, la saison prochaine, 2017, on va pas voir plusieurs pilotes qui vont être dans cette catégorie-là. J'aimerais ça. Du côté de Shifters, cette année au championnat canadien, on était, je pense, c'est une 15aine en piste. Alors, si on est capable de rendre ça à 20 quand même, ça devrait être très, très excitant. Du côté de Mont-Tremblant cette fin de semaine, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, excusez-moi, c'est l'Ontarien Marco Di Leo qui a gagné dans la catégorie Rotax Senior. Marco Di Leo a dû être un des pilotes les plus âgés dans cette catégorie-là en fin de semaine. Et ça fait, mon Dieu, je pense que ça va faire plus de, il l'a dit, je pense que c'est plus de 6 ou 7 championnats canadiens qu'il gagne dans la catégorie Rotax senior. Juste en Rotax senior. Marco De Leo, qui est encore un pilote quand même assez jeune, mais qui s'occupe aussi de l'équipe Intrépide Ontario. Alors, de ce côté-là, on agit peut-être même à titre de manager d'équipe, ce qui est très, très différent. Mais c'est toujours bon de voir qu'il a cette fougue-là quand il est en piste. Et c'est un pilote qui est tellement constant. J'observais ça cette fin de semaine parce que j'étais du côté de Mont-Tremblant. C'est un pilote qui va toujours garder la même vitesse et quelque chose que j'ai fortement remarqué par rapport à Marco Di Leo, c'est qu'il ne regarde absolument jamais derrière lui. Jamais au grand, jamais. Et on voit parfois des meneurs qui vont regarder derrière eux en karting pour voir s'il n'y a pas un autre pilote qui s'en vient, pour voir quelle est son avance. Non, Marco Di Leo, c'est vraiment un gars qui va regarder en avant puis qui va conduire justement pour avoir une plus grande avance, qui va se concentrer sur ce qui se passe en avant, mais jamais se concentrer sur ce qui se passe derrière. Et je pense que c'est vraiment ça qui lui amène plusieurs victoires. C'est sûrement justement le fait qu'il est concentré sur le devant au derrière, à la place du derrière du peloton, et c'est tout à son avantage. Voilà. Je vais vous avouer qu'on va faire une petite pause musicale parce que si vous voulez qu'on parle avec notre prochain invité, j'ai pas le choix. Je suis ma propre metteur en onde. Je dois faire une pause à un certain moment pour pouvoir téléphoner aux gens. Alors pourquoi pas aller écouter un nouveau chanteur? C'est une nouveauté que j'ai découvert dans les country américains. Il s'appelle Kane Brown avec la pièce Thunder in the Rain. Puis tout juste après ça, eh bien, on va parler avec un championnat canadien, mais de catégorie Rotax. Restez là. Chest, feel the wind coming off your breath. Your curves ain't slowing me down. Ain't nothing gonna stop us now. You're fire, I'm lightning. We're burning at the core. Falling and crashing, girl, we're a perfect storm. Every time our hearts collide, I can feel love come to life. It's the same, baby. We're like thunder in the rain. Like a hurricane, we shake these walls like an earthquake. Hear the rumble in your chest, feel the wind coming off your breath away. Calling out my name makes me hard to contain. You're fire, I'm lightning, we're burning at the core. Falling and crashing, girl, we're a perfect storm. Every time our hearts collide, I can feel love come to life. It's the same, baby. We're like thunder in the rain. We're like thunder in the rain. You're fire, I'm lightning, we're burning at the core. Falling and crashing, girl, we're perfect storm. You're fire, I'm lightning, we're burning at the core. Falling and crashing, girl, we're a perfect storm. Every time our hearts collide, I can feel love come to life. It's the same, baby. We're like thunder in the rain. Like thunder in the rain. Shane Brown avec la pièce Thunder in the Rain, un nouvel artiste que je viens tout juste de découvrir, comme je vous le disais. Puis là, j'étais en train d'essayer de faire des recherches sur son nom parce que c'est la seule pièce qu'il a de disponible sur Spotify ou encore YouTube. Alors, laissez-moi 30 secondes, je vous trouve ça. Kane Brown, qui, en théorie, viendrait du Tennessee. Il a l'air vraiment très jeune, je vais vous avouer, 22 ans exactement. Il fait partie du Sony Recording Artist Studio. Donc, c'est un chanteur country que je vais suivre de près parce que ça s'écoute bien. Hein? Vous ne trouvez pas que ça s'écoute super bien dans une voiture, au soleil, peut-être même encore le toit ouvrant, baissé. OK, j'imagine beaucoup de choses, mais ça s'écoute super bien pour les amateurs de country. Alors, j'espère que vous avez aimé. Et je pense que c'est une nouveauté que je vais faire pour les prochaines émissions. Je vais vous mettre tout simplement les noms d'artistes sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Donc, vous allez être capable de voir tout ce qui a joué durant l'émission. Et je vais commencer tout de suite après cette émission qui est le spécial de 2 heures. Donc, vous devriez avoir plusieurs nouveaux chanteurs et nouvelles pièces musicales que vous allez pouvoir trouver un petit peu partout sur Internet. Voilà. Tout à l'heure, on a discuté avec le champion canadien dans la catégorie Shifter, qui était Jean-François Lafontaine. Mais Shifter n'était pas la seule catégorie cette fin de semaine, comme on en discutait tout à l'heure. Il y a une catégorie qui est très, très forte ici au Canada, qui a pris de l'envergure depuis les dizaines dernières années. C'est gros. Et au téléphone avec moi, j'ai Alessandro Bisotto. Alessandro, how are you doing? I'm very good, Tania. How are you doing? I'm great, thanks. Alessandro, qui est un des pilotes qui a gagné le titre cette fin de semaine dans la catégorie DD2. So, Alessandro, you won the Canadian champion title this weekend. Tell me, how was your weekend? The end of the weekend went very well. I mean, we had a little bit of issues throughout the weekend, so we were just trying to stay positive and hopefully hope for the best in the final. But thankfully, everything went well, so we were able to celebrate and have fun, enjoy the end of the weekend after it was done. Tell me, Alessandro, is it your first Canadian title? Yeah, it's my first Canadian title. Pretty, it's my first Canadian title. Pretty exciting. You've been working with Jeff Valour, who's a mechanic and has been working with PSL for a long time. Tell me that kind of friendship and relationship you have with your mechanic. JF Valour is like a brother to me. It's more than a friendship. We've built it over many years racing together, and we've been through all the ups and downs together, so he's helped me get to where I needed to be, and I attribute a lot of my success to him. He's like a brother to me. He's a big, big reason of where we got today and the success we had this weekend. A couple of years ago, you decided to do the move from, I think was Rotax Junior and Senior to DD2. Tell me, what is the biggest difference for you in that category? Well, the biggest difference is the fact that, first of all, the karts are faster, the DD2. We have the two gears as opposed to the one gear in the Senior. Mm-hmm. And the axle runs through the engine on the DD2s as opposed to the Senior. So they're a little bit harder to drive. They're not as smooth when you go around the track. But it takes a little bit of time to adjust your driving style to get used to it. And something that was, let's say, pretty surprising this weekend was obviously the DD2 final. Yeah. Nathaniel Quentin was leading the race. He had a pretty good advance. We guess that he didn't really understand that was only last lap. And then you passed right in front of him and won the final. How did it go through your mind? Well, I was starting further back in the race. I was starting 8th at the start. So when I saw that he took off at the beginning and no one gave him a very good battle, I kind of had it in the back of my mind that the race was going to be over and he was going to take off and win because he was fairly consistent all week. Mm-hmm. But then, so as the laps went on and I managed to get up to 2nd, I still knew the race was done, and then all of a sudden, down the back straight on the last lap, he slowed down. The first thing that went through my mind is that I thought his engine broke down. Yeah. So, apparently, he thought the race was done, and he mistook the last lap flag for the checkered, so he started to slow down for his victory lap. And in that moment, I just took off and went. Hope for the best. And obviously, that win gave you the ticket for the world final, which is going to be to Italy this year. Yeah. That will not be your first presence to world's final. Tell me about your last time over there. Last time over there was last year, where we raced in Portugal in Portimão. Mm-hmm. The event was beautiful. The track, the area, everything about it was amazing. We had a little bit of bad luck. We were consistently fast in the practices, always running top five, top ten. And then, unfortunately, qualifying, the engine broke down on us, so we had to start last 72nd for every race. So it was very tough, but the racing is uncomparable to here. You have 72 drivers all within a second and a half, or not even, sorry, in the same second. So the racing gets very aggressive and very, very close. Knowing you will be going to World's Final this year, how will you get prepared for that championship, I guess? Well, just going to try and stay in shape. You got to be in the kart as much as you can, right? I'm sure you know from being around the sport so long, when you take your time off, you really, really feel it. So just, it's all about preparation, staying in the kart till the time of the event. And that's what we're going to do till then. And tell me a little bit, do you try to stay in shape? Do you go to the gym specially for racing? Yeah, well, I go to a gym back home. It's called the APC Gym, Adrenaline Performance Center. Yes. And there, they get me in shape for all my racing, everything that I do. They get me ready in shape for with muscular endurance, cardio endurance, everything like that. And then we mix that in with days at the track. The two together, it's the best combination for us. Well, Alessandro, I want to thank you so much for being a part of this show today. I'm having some question here and there on Facebook for you to speak French right now because some people know you speak French. So if it's okay with you, we'll be just a little bit in French? No problem. No problem at all. Just don't laugh at it. Okay, no problem. Don't worry about it. Alessandro, tu as très bien performé à Mont-Tremblant ce week-end. Quand tu t'en vas comme ça au championnat du monde, est-ce qu'il y a quelque chose qui va te jouer en tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va te stresser plus que d'autres choses? Ben, la seule chose qui va me stresser tellement, c'est parce que on utilise les moteurs qui sont les moteurs puis l'équipement qui sont donnés à nous par Rotax. Mm-hmm. Fait que c'est pas notre propre équipement. Et des fois, à ces événements-là, il y a beaucoup de choses qui vont mal avec l'équipement parce qu'ils sont en train de préparer 72 go-karts juste pour l'événement. Fait que tout est fait comme vraiment vite. Fait que la seule chose que je suis stressé avec, c'est d'avoir l'équipement qui fonctionne et qui roule bien pour nous autres toute la semaine. Et quand on arrive à un championnat mondial comme ça, évidemment, il y a plus de 10 pilotes par catégorie. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à manager parce qu'ici, au Québec, les catégories sont quand même petites? Oh ouais, c'est sûr, t'as raison, Tania. Ça change beaucoup, fait que là-bas, on va courser avec 72 pilotes. Mm-hmm. Fait que une seule erreur dans les qualifications peut faire la différence entre premier ou 21e, ou comme une seule mauvaise course peut te mettre en arrière de la grille ou en avant. Fait que chaque erreur que tu fais, c'est plus magnifié, c'est plus important de faire pas des erreurs et de courser bien toute la semaine, c'est sûr. Bien, Alessandro, merci beaucoup. En passant, ton français est excellent. Merci, Tania. T'es trop gentil. Alors, merci beaucoup d'avoir été de l'émission. C'est très apprécié et on te souhaite la meilleure des chances en Italie. Merci beaucoup, Tania. Alors, Alessandro Bizzotto, qui n'est pas un des seuls qui va participer à la finale mondiale du côté de l'Italie. On le disait tout à l'heure aussi avec Jean-François, l'Italie va se prêter au jeu du rock aussi, qui est simplement la catégorie shifter. Donc, vraiment, tout cette année va se passer du côté de l'Italie, mais ça ne sera pas la même fin de semaine. Donc, si je vois bien ça comme ça, laissez-moi un instant. Jean-François, tout à l'heure, avait dit que ça allait être du 19 aux alentours du 23, si j'ai bien compris. prix novembre pour la catégorie rock, tandis que le mondial devrait être une semaine à l'avance ou une semaine après ces dates-là. Donc, vous allez vraiment pouvoir suivre toute l'action sur Internet parce que c'est quelque chose qui est possible et bien évidemment... Lorsqu'on a la chance de pouvoir travailler avec les gens du World Final, bien vous allez voir que c'est quelque chose qui est très très impressionnant, même sur Internet. Si vous n'êtes pas capable de le mettre sur votre télévision, là, ne vous inquiétez pas, pareil, c'est super impressionnant sur Internet aussi. Alors, je voulais parler avec vous de quelques nouvelles aussi qui sont sorties sur Internet avant d'aller faire une autre pause musicale, parce qu'on l'a dit, deux fois plus de temps, deux fois plus de musique. J'espère que vous appréciez ça jusqu'à présent pour ce qui est du spécial de 2 heures. La semaine dernière, c'est quelque chose qui est malheureux, mais qui est arrivé. On n'avait pas nécessairement les équipements pour pouvoir faire l'émission. Alors, il n'y a pas eu d'émission du tout du mercredi. Alors, j'espère que vous appréciez jusqu'à présent ce spécial de 2 heures. Voilà. Je voulais discuter avec vous d'un article qui est sorti sur motorsport.com dans la catégorie, bien évidemment, québécoise et canadienne, qui a été écrit par Benjamin Vinel, qui est un des responsables de Formule Promotion, qui est rédacteur F1, en fait, avec un co-auteur qui est Adam Cooper. On parle de Lance Stroll, un de nos pilotes québécois qui commence justement à faire beaucoup parler de lui. Je vais tout simplement vous dire la question de l'article et par la suite, vous en ferez vos propres déductions. Voici le titre « Williams, Stroll en F1 après avoir écrasé ». La F3 Europe. Alors, qu'est-ce que ça dit exactement? Eh bien, le leader du championnat de F3 Europe avec 61 points d'avance sur son plus proche rival, Lance Stroll, pourrait-il faire ses débuts en Formule 1 dès 2017 à l'âge de 18 ans seulement? Je fais une parenthèse. Pour ceux qui se souviennent, cette année, du côté de Montréal, Lance Stroll avait été interviewé à plusieurs reprises, que ce soit par des journalistes québécois, canadiens ou internationaux, et il avait dit qu'il se sentait pas nécessairement lui-même prêt à faire le saut en Formule 1, mais il avait dit ça tout juste avant que Felipe Massa nous annonce justement sa retraite et comme il est dans la mire de Williams, eh bien, est-ce qu'on prendrait cette chance-là du côté de Lance Stroll? Je continue l'article. Ce n'est que la troisième saison de Lance Stroll en monoplace, mais le Canadien s'est déjà illustré en remportant les 4 titres de F4 Italie en 2014 et de Toyota Racing Series en 2015. Donc, disputant sa première campagne en F3 Europe l'année passée, Stroll a montré une rapidité certaine, mais également une certaine tendance à provoquer des accidents. Cette année, le pilote Prema Power Team s'avère plus fiable et a déjà remporté 7 victoires pour un total de 11 podiums en 21 courses. Jadis membre de la Ferrari Driver Academy, Stroll a rejoint Williams en qualité de pilote de développement il y a 1 an et le départ à la retraite de Felipe Massa pourrait lui offrir une opportunité en or de faire ses débuts en Formule 1 dans une écurie légendaire. Selon certaines sources, Lance Stroll a déjà trouvé un accord de principe avec Williams. Le Québécois n'a plus qu'à s'assurer de finir dans le top 3 du championnat pour obtenir les points nécessaires à sa super licence. Il est trop tôt pour nous pour parler de l'an prochain, déclare Claire Williams. Nous allons faire notre annonce bientôt, mais je ne suis pas prête à en dire beaucoup plus. Stroll vient d'entamer un programme d'essai avec une Williams FW36 de 2014, ce qui va lui permettre d'accumuler une expérience précieuse sur divers circuits, en dehors des restrictions de la FIA sur les tests. Williams a confirmé que ce programme allait prendre de l'ampleur auprès de la fin de la saison F3 Europe, dont le dernier meeting aura lieu du 14 au 16 octobre à Hockenheim. Espérons qu'il va remporter le titre F3 très bientôt, ajoute Claire Williams. Pas mal d'avoir ça sur son CV, non? Donc Stroll, qui est quand même très impressionnant en F3, disons-le, J'ai hâte de voir ce que lui en pense parce que bien évidemment, de voir Claire Williams dire que Stroll pourrait être dans la mire, c'est bien, mais rappelons-nous que quand même, Lance Stroll a dit lui-même ne pas se sentir prêt à faire le saut en F1 dès 2017, il y a quelques mois de cela. Donc j'ai comme l'impression que oui, on pourrait peut-être arriver à une entente, mais est-ce qu'il est vraiment prêt? Ça reste à voir. Donc, pour continuer sur le même sujet, si vous allez du côté du site Flagway MotorsWorld.com. Si Jenson Button était candidat à la succession de Felipe Massa chez Williams, le Britannique a annoncé à Monza prendre une année sabbatique en 2017 et revenir éventuellement chez McLaren l'année prochaine. Ensuite, Speedweek rapporte que plusieurs sources affirment maintenant que Valtteri Bottas devrait être épaulé par Lance Stroll la saison prochaine. Donc, encore une fois, ça fait le tour comme quoi Lance serait déjà dans les discussions, mais il n'y a rien qui nous assure que ça va être Lance Stroll. Je serais curieuse de savoir ce que lui en pense. Bien évidemment, c'est une opportunité en or, mais est-ce qu'il se sent prêt? Est-ce qu'il se sent d'attaque à faire ce saut-là? Rappelons-nous que Max Verstappen avait lui aussi fait beaucoup bouger les feuilles de papier journaux quand il est arrivé parce qu'il était un des plus jeunes. Certains disaient qu'il manquait d'expérience. Jacques Villeneuve, il n'a pas été de main morte avec le pilote Max Verstappen il y a quelques temps. Il disait que s'il continuait à conduire comme il conduit en piste, il va probablement finir par tuer quelqu'un. Ce qui n'est peut-être pas les meilleurs propos dits de la part de Jacques Villeneuve depuis les dernières années, mais Max Verstappen, par exemple, a quand même répondu quelque chose d'aussi et presque même pire. Alors, si vous n'êtes pas au courant encore, ben Max Verstappen a tout simplement répondu à certains journalistes européens qui lui ont fait savoir ce que Jacques Villeneuve avait dit à son sujet. Il a tout simplement dit, bien, avant de parler de moi, Jacques Villeneuve devrait probablement prendre le temps de réaliser que lui a déjà tué quelqu'un en piste. Donc, il faisait référence à un accident il y a quelques années où que Jacques Villeneuve avait perdu un pneu sur sa voiture, sur sa monoplace, et que ça l'avait malheureusement tué quelqu'un. Mais bon, est-ce qu'on va avoir une guerre des réseaux sociaux et des journaux entre Jacques Villeneuve et Max Verstappen? Ça reste à voir. On fait une autre pause musicale, comme je vous le disais, parce que c'est un 2 heures, donc 2 heures, 2 fois plus de musique. On va aller écouter, tiens, There's a Girl de Trent Harmon. Vous allez voir, c'est super bon. Et tout de suite après ça, eh bien, on va jaser avec le champion en titre parce que le championnat n'est pas encore terminé. Donc, le leader du championnat dans la catégorie Nissan Micra, Olivier Bédard. There's a girl somewhere in Tupelo who's with a guy she barely knows. Would probably sell his soul for a kiss. There's a girl somewhere in Arkansas who's talking with a southern drawl. And a guy who can't stop staring at her lips. Ain't it crazy how they make us all so crazy? Why would we drive 600 miles one way? Blow through cash that we ain't made. Get tattooed and wash our trucks. Push and press our love. Why would we ask when we know we can dance? Show our hands and change our plans. Lose our minds, break our hearts, and learn to play guitar. Why does any man do anything in the whole damn world? There's a girl, 'cause there's a girl. There's a girl somewhere with eyes so blue. No call just won't do. So here I am on Highway 45. First girl to get me to ask myself how I'd been with anyone else any other minute of my life. It's something how they get us doing something. Why would we drive 600 miles one way? Blow through cash that we ain't made. Get tattooed and wash our trucks. Push and press our love. Why would we ask when we know we can dance? Show our hands and change our plans. Lose our minds, break our hearts, and learn to play. Why would we drive 600 miles one way? Blow through cash that we ain't made. Get tattoos and wash our trucks. Push and press our love. Why would we ask when we know we can dance? Show our hand and change our plan. Lose our minds, break our hearts, learn to play guitar. Why does any man do anything in the whole damn world? 'Cause there's a girl. 'Cause there's a girl. Antenne de C'est fou 89.1 FM. Vous êtes toujours dans l'émission En piste avec Tania Baudin. Rappelez-vous, c'est un spécial de deux heures. Il reste quelques instants, approximativement une vingtaine de minutes. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il se passait beaucoup d'actions du côté de Mosport en fin de semaine parce qu'il y avait plusieurs séries qui coursaient là-bas sur le circuit, entre autres la catégorie Nissan Micra. Et là, je vous ai parlé du championnat très, très serré. Mais je veux aussi prendre le temps quand même pendant 30 secondes et quart de faire la mention spéciale à Valérie Limoges qui a tout simplement décidé de faire le saut sur les médias sociaux. Un petit peu plus précisément, on a décidé de se partir une page YouTube pour Valérie Limoges. Alors, si jamais ça vous intéresse de suivre une pilote de course par rapport à ce qui se passe, comment on se prépare pour une course et tout ça, eh bien, c'est possible de le faire maintenant sur YouTube grâce à la pilote québécoise Valérie Limoges qui course dans la catégorie Nissan Micra. Allez faire un tour, vous allez voir, il y a quelques vidéos déjà et c'est super intéressant. Ça s'écoute super bien, là, que ce soit en mangeant, que ce soit, je veux pas dire aux toilettes, mais bon, je vais dire que ce soit aux toilettes, que ce soit avant de vous coucher le soir, prenez quelques secondes puis allez faire un tour sur YouTube pour voir la page YouTube de Valérie Limoges. Voilà. Je vous disais aussi tout à l'heure que le championnat était extrêmement serré parce que les pilotes tels que Xavier Coupal, Kevin King, Olivier Bédard, Stephen Radinsky, ce sont tous des pilotes qui sont expérimentés dans leur presque tous deuxième saison, à l'exception de Xavier Coupal qui lui en est à sa première. Mais c'est serré. On voit souvent les mêmes pilotes sur le podium. Alors j'ai tout simplement décidé d'appeler Olivier Bédard pour qu'il puisse justement expliquer ce qui se passe du côté de la Nissan Micra. Olivier, ça va bien? Ça va bien, toi, Tania? Oui, merci. Olivier, vous aviez deux épreuves ce week-end du côté de Mosport. Dis-moi, comment est-ce que ça s'est passé ta fin de semaine? Ça s'est très, très bien passé. Ça a même très bien commencé avec la pole position. On a mené la plupart de la grande partie de la course samedi. Les deux fois, on a terminé deuxième derrière un safety car, ce qui nous a empêché de nous battre pour la fin, pour la victoire, mais quand même, on ressort de là avec beaucoup de points, puis ça nous place premier au championnat avec 4 points. C'est beaucoup, mais pas beaucoup en même temps. Dis-moi, il vous reste combien d'épreuves là, à ce championnat-là? Il va nous en rester deux, dans le fond, au circuit du Mont-Tremblant pour la finale. Deux courses, puis comme tu disais, 4 points, c'est vraiment pas beaucoup. Ça va être des courses extrêmement enlevantes. Chaque position va compter. Puis ça va être une fin de championnat très, très serrée. Est-ce que tous les meneurs au championnat présentement vont être présents à Mont-Tremblant? Supposément oui. OK. Donc, oui. En sachant qu'on a simplement 4 points d'avance, parce que c'est un 4 points que, oui, quand on a d'avance, on est vraiment très content de l'avoir. Là, on va pas le jeter par la fenêtre, mais est-ce que ça ajoute justement une espèce d'une petite anxiété de savoir que c'est juste 4 points? Dans mon cas, ça m'en enlève parce qu'avant Mosport, on avait 29 points de retard. OK. Donc, on a réussi à combler l'écart à Mosport. Donc, pour moi, je me mets dans une meilleure position que ce que j'étais. Mm-hmm. Donc, on continue sur cette lancée-là au Mont-Tremblant. On a une voiture rapide, puis on est entouré d'une bonne équipe, Michel Binissant. Donc, on est les deux coéquipiers à se battre pour le championnat, mais ça va être serré, puis ça va être fair aussi, je suis sûr. Puis justement, en arrivant comme ça en fin de saison avec un petit peu de recul, est-ce que tu es capable de nous dire en quoi est-ce que la saison a peut-être été un petit peu plus difficile cette année? Ben, pour nous, dans le fond, la saison a commencé, ça a été très difficile. Mm-hmm. Avec le premier week-end, on a eu un accident, puis on a eu aussi une petite qualification pour le poids. On a manqué le poids de 5 livres, ce qui est rien. Mais donc au championnat, on est parti dernier carrément. J'avais le dernier nom en bas avec seulement 3 points. Oui. Puis de finalement, juste avant la finale, d'avoir réussi à remonter toute la saison jusqu'en première place du classement, c'est quelque chose qu'on peut tous être fiers dans l'équipe. Puis on va juste, comme j'ai dit, on va continuer sur cette lancée-là. Et dis-moi, en arrivant à Mont-Tremblant, est-ce que justement, en fin de parcours comme ça, on a une préparation qui est semblable au restant de l'année ou tu vas te préparer de façon totalement différente pour cette course-là? Non, je vais essayer de prendre la même approche que j'ai pris à chaque course. Dans le fond, c'est d'aller chercher le maximum de points, d'aller chercher les meilleures positions. Puis quelque chose qui va être vraiment important, je crois, vu que le championnat est si serré, ça va être justement les points accordés pour la pole position et le meilleur temps en course. Mm-hmm. Donc, c'est 2 points chaque. D'après moi, ça va jouer avec ça là, pour la finale. Dis-moi, Xavier Coupal en est à sa première année. Il a super bien performé tout au long de la saison. Est-ce que tu te sens un petit peu, je veux pas dire menacé, mais quasiment par Xavier Coupal, le nouveau venu? Ah, c'est sûr. Mais Xavier, c'est un très, très bon pilote. Je le respecte beaucoup. J'ai aussi appris à travailler avec lui en début d'année. Mm-hmm. Après ça, quand les choses ont fait en sorte qu'on s'en est devenu des rivaux, oui. C'est sûr que là, bon, on découvre une autre personnalité, évidemment, mais ça a toujours été dans le respect. Puis c'est pour ça que c'est un pilote que je respecte beaucoup. Puis de me battre contre lui au championnat, j'aurais pas pu demander mieux, là, dans le sens que je sais contre qui je me bats, je sais que c'est un excellent pilote, puis on apprend dans ce temps-là, c'est là qu'on apprend le plus. Puis pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins la classe Nissan Micra, parce qu'il y en a qui s'ajoutent à chaque émission, là, disons-le comme ça, des auditeurs, dis-moi, quel est, parce que vous avez toute une restriction mécanique, vous ne pouvez pas nécessairement jouer partout sur la voiture, c'est bien ça? Non, c'est ça. Les voitures, dans le fond, sont toutes pareilles, sont toutes montées par la même entité. Vraiment, il n'y a aucun écart. Ce qui fait en sorte que les courses sont très, très serrées, c'est que justement, les voitures sont toutes pareilles. Mm-hmm. On a quelques petits ajustements au niveau de l'alignement. On peut parler du taux, du camber, mais à part ça, on peut rien faire. Donc, c'est vraiment le pilote à s'habituer à la voiture, aux conditions de piste et tout. Donc, c'est ce qui fait les meilleures courses. Et tu es un ancien pilote de karting toi-même. Durant l'événement du Grand Prix de Trois-Rivières, en tant qu'animatrice, c'est revenu à quelques reprises où on a entendu justement que la conduite et la technique de conduite en Nissan Micra ressembleraient justement à cette fameuse technique-là qu'on a en Briggs. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je dirais, oui, ce qui est le plus proche, dans le fond, entre le karting dans la classe Briggs et la Nissan Micra, c'est le manque de puissance qu'on a par rapport aux autres catégories. Mm-hmm. Donc, ça requiert un pilotage vraiment précis, sans erreur, parce que justement, les erreurs coûtent beaucoup. Mais ce qui ressemble le plus, c'est au niveau des bagarres en piste. Okay. Justement, vu que les voitures sont pas puissantes et qu'elles sont toutes pareilles, les courses sont extrêmement serrées. Ça fait en sorte que, justement, les stratégies d'aspiration, les stratégies de travail d'équipe sont beaucoup plus importantes que dans les autres catégories. Définitivement. Dis-moi, est-ce que tu as les dates exactes de votre dernière course? Je sais que c'est la dernière fin de semaine de septembre au circuit du Mont-Tremblant. Dans le fond, oui. C'est pendant la classique d'automne? Exactement, oui. Excellent. Donc, pour tous ceux qui veulent aller vous voir, parce que définitivement, ça va être quelque chose à regarder de très près. Comme tu l'as dit, de toute façon, le peloton est tout le temps très, très rapproché et au classement, c'est tellement serré, ça va être une très, très belle fin de semaine. Oh oui. Olivier, merci beaucoup d'avoir encore une fois collaboré. On te souhaite la meilleure des chances du côté de Mont-Tremblant et probablement qu'on va se reparler justement après cette épreuve-là pour savoir comment tout a été. Parfait, merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup. Alors, Olivier Bédard, un des meneurs, mais le meneur principal au championnat dans la catégorie Nissan Micra jusqu'à présent. On va faire un petit tour du web rapidement en terminant parce que dans 10 minutes, c'est Mathieu Plante qui arrive avec le Mathieu Plante Show. Alors, on va lui laisser de la place quand même après 2 heures d'émission. Si vous allez du côté de Pôle Position, eh bien, vous pouvez voir un article de Philippe Brasseur qui parle justement de la finale de la Coupe Porsche à Mosport. Tout à l'heure, je vous parlais qu'on avait tout le temps une chaude lutte entre Daniel Morad et Scott Hargrove. Eh bien, ils n'ont pas déçu le public, encore une fois, en fin de semaine, parce que ça a tenu ses promesses de leur côté. La saison 2016 de la Coupe Porsche GT3 Canada s'est conclue dimanche dernier sur le circuit de Mosport en Ontario à l'issue des épreuves 11 et 12. Le point saillant du week-end et de la saison fut, bien évidemment, la présence de Daniel Morad sur la plus haute marche du podium pour son premier championnat de la catégorie platine, malgré une dernière course éprouvante à l'issue de laquelle il a terminé 5e au volant de la Porsche numéro 17 de Centre Oakville. Morad devait terminer dans les 6 premiers pour décrocher le titre et c'est ce qu'il a fait. Il a terminé en 5e position. Donc, il a terminé en tête du classement final avec une avance de seulement 5 points. Vous voyez, tout à l'heure, avec Olivier, on parlait d'une avance de 4 points. Tout se peut. Lâche pas, Oli. Donc, sur son rival Scott Hargrove, il dit lui-même que la 6e saison de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada 2016, présentée par Yokohama, leur a offert vraiment de nouveaux grands moments dont ils vont garder de très, très beaux souvenirs. Et de ce côté-là, bien évidemment, Scott Hargrove a lui aussi très bien performé du côté de Mosport. On ne peut pas nécessairement passer à côté. Scott Hargrove, qui est un pilote de l'Ouest du Canada et qui a terminé la saison avec 6 victoires, qui est en tête de la série lui aussi. Alors, vraiment, là, ce duo-là, je ne veux pas dire duo de rivaux peut-être, c'est un des très bons au Canada et j'adore ça les regarder, ces deux gars-là en piste, que ce soit à Toronto, que ce soit au Grand Prix de Trois-Rivières, que ce soit à Mosport, ils ont toujours livré une excellente performance. On doit aussi parler du Canadien Zach Robichon qui lui aussi a gagné la dernière course de la saison, donc il a monté sur la plus haute marche du podium avec 11,8 secondes d'avance. Juste ça. Non, mais le 11,8 secondes d'avance, c'est extrême. Comment est-ce que ça s'est produit? Ben Daniel Morad était parti, bien évidemment, en tête, mais lui et Scott Hargrove se sont encore une fois livrés une lutte quand même très, très intense durant les premiers tours de l'épreuve. Donc, avec 27 minutes à faire, le suspense se poursuivait pendant que Scott Hargrove dépassait Morad au virage numéro 9. Ils se sont tout simplement touchés l'un l'autre et Daniel Morad, dans un tête-à-queue, a été relégué à la 5e position. Alors, Hargrove a reçu une pénalité de passage dans les puits parce qu'il a été jugé responsable de l'incident par les officiels d'IMSA et c'est ce qui a vraiment permis à Zach Robichon de pouvoir prendre la tête avec seulement 13 minutes à faire et de pouvoir repartir avec 11 secondes d'avance. Hey, 11 secondes d'avance! Tu sais, c'est des choses qu'on voit rarement, hein? À part en F1 entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Bon, du côté de flagworld.com, si vous allez faire un petit tour, il y a un article qui est sorti sur la lutte intense au championnat. Encore une fois, on est en fin de saison, alors bien évidemment, les luttes au championnat se resserrent, hein? Les taux se resserrent. Dans la CTCC, donc les Canadian Touring Car Championship pour les fameux amateurs. Et les compétiteurs du CTCC présentés par Continental Tire sont déterminés à rendre la vie quand même assez difficile aux leaders de classe. De retour sur les circuits intensément rapides du Canadian Tire Motorsport Park ce week-end, eux aussi étaient là. Le pilote de Blanchette Motorsport, Bob Hartrell, a donné le ton dès le début en conduisant sa Hyundai Genesis 88 en pole position de la classe Grand Touring. Et c'est en effectuant des tours de piste les plus rapides que le pilote invité, Alex Tagliani, à bord de la Mustang Fastwheel numéro 75, a lui aussi très bien performé. De sa position de tête de départ, Hartrell a dirigé l'ensemble des 27 tours dans le premier match du week-end et s'est vu soulagé quand Tagliani et sa Ford Mustang ont dû se retirer avec un problème de capteur du moteur. On se rappelle Alex Tagliani qui avait coursé dans le même type de championnat ici au Grand Prix de Trois-Rivières cette année, avait gagné les deux épreuves du week-end. C'était quelque chose qui était très, très, très impressionnant de voir parce que, si je me souviens bien, Alex coursait dans deux catégories différentes, c'est-à-dire NASCAR et CTCC. Il a fait la même chose ce week-end du côté de Mosport. Malheureusement, du côté de Mosport, il a dû se retirer aussi. Il a eu quelques pépins mécaniques et même chose du côté de la CTCC. Alors, peut-être pas le week-end qu'on espérait pour Alex Tagliani, mais bon, que voulez-vous, c'est des choses qui arrivent. Et tout à l'heure, on discutait avec Caden Lapsevich, un des pilotes de la série NASCAR Pinties, parce que je voulais justement aussi vous parler en fin d'émission que la série NASCAR Pinties arrive à ses derniers pas de la saison. Il reste simplement deux circuits à faire, dont le premier des deux qui est ce week-end, donc samedi, du côté de Saint-Eustache. C'est une épreuve, si je me souviens bien, laissez-moi aller voir, mais c'est une épreuve d'une centaine de tours. Je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est quand même assez difficile de taper sur un clavier en même temps que de chercher des informations. Alors, si on y va de ce côté-là, je pense que c'est le 250 Lucas Oil. Et voilà, donc ça devrait être 250 tours du côté de l'autodrome Saint-Eustache. Le drapeau vert devrait se donner dès 20h. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, soyez là, là, parce qu'on vous l'a dit. Je pense que c'est extrêmement serré au championnat. Caden Lapsevich le mène. Alex Labbé est excellent sur le circuit de Saint-Eustache et il est cinquième au classement. Kevin Lacroix connaît super bien le circuit. Andrew Ranger a gagné là-bas l'année dernière, qui lui est deuxième présentement au classement. Alex Tagliani connaît aussi super bien le tracé. Louis-Philippe Dumoulin est quatrième au classement. Et il pourrait super bien performer parce que durant les 4 à 5 dernières épreuves de la série NASCAR Pinties, Louis-Philippe Dumoulin a monté sur le podium presque à chaque fois. Alors de ce côté-là, plusieurs pilotes à observer ce week-end du côté de Saint-Eustache. Ça devrait être super intéressant à voir. Si jamais on va voir la liste des pilotes qui sont déjà inscrits, on n'en a pas plusieurs, mais ça devrait continuer à rentrer parce qu'on est simplement mercredi. Donc on parle bien évidemment... Jean-François Dumoulin va être là, Larry Jackson, Jason Hathaway aussi, qui est un pilote à garder dans sa mire pour cette épreuve-là, parce que Jason Hathaway est un pilote qui finit très souvent sur le podium, mais qui commence pas nécessairement au devant du peloton. Donc, de ce côté-là, c'est un pilote à surveiller, la voiture numéro 3. DJ Kennington aussi, qui est un pilote qui s'y connaît super bien. Simon Dionvien, qui avait coursé du côté du Grand Prix de Trois-Rivières et de la première épreuve de Mosport, va être du côté de Saint-Eustache. Tout à l'heure, je vous parlais d'Alex Labbé. Lui aussi, là, il est à surveiller avec l'équipe BRP Can-Am Kappa. Gary Clute aussi. Ah, je vous le dis, ça va être l'enfer. Ça va être merveilleux de voir tout ça en piste cette fin de semaine. Et je vous le répète aussi, du côté de Mont-Tremblant, la classique d'automne, je ne me souviens plus nécessairement des bonnes dates, mais je vous mettrai tout ça sur la page Facebook dans Piste avec Tania Baudin, parce que c'est déjà le temps de se quitter, mon Dieu, parce qu'à 15h, c'est Mathieu Plante avec le Mathieu Plante Show qui va rentrer en onde. Et on va se quitter avec une pièce de Cole Taylor qui s'appelle Drop Top. Ben oui, tu sais, tout à l'heure, je vous parlais de voitures décapotables puis de musique country. Eh bien là, c'est comme la chanson parfaite pour ça. Alors voici Drop Top de Cole Taylor et nous, on se dit à la semaine prochaine! Out custom 355, been straight rolling since 1969. I don't take it out, girl, just anytime, but I'ma drop the top. I wanna take you for a ride in this Chevy Camaro that I got from my daddy. I'ma pick you up in about 20. If you ain't ready to go, get ready to go. With that sun drop dripping on the black top, sipping on sweet tea, free as we'll ever be. Top drop, never looked so good, so good. you're like Cali meets Georgia, flops on your feet. Camouflage hat, flip back, aviator dream. Tied wide tank top, red bikini underneath. Little wink from the passenger seat. Girl, you know what you're doing. Looking like a star. With them jeans tighter than a koozie. And I'm ready to go, I'm ready to go. With that sun drop dripping on the black top, sipping on sweet tea. Sun drop dripping on the black tops, spin on sweet tea, free as we'll ever.